51. Le domaine public payant. Lu par Justine Mizot. Le domaine public payant. En 1997, les studios Disney occupent les écrans du cinéma du monde entier avec leur nouveau film « Le bossu de Notre-Dame », adaptation édulcorée de Notre-Dame de Paris de Victor Hugo. Comme il est de coutume lors des déferlements commerciaux made in Disney, c'est une cascade de produits dérivés. Sur les affiches du film, le nom d'Hugo n'est pas mentionné. Ceux dont les descendants de l'auteur se déclareront choqués. Toute cette foire nous paraît scandaleuse et obscène. Les autorités culturelles de notre pays ne devraient-elles pas réagir devant ce pillage commercial de patrimoine et rappeler que l'universalité d'un génie est d'une autre nature que cette mondialisation vulgaire de marchands sans scrupules ? Charles, Adèle, Jeanne, Léopoldine et Sophie Hugo, halte au pillage Disney dans Libération du 10 mars 1997. Charles, Adèle, Jeanne, Sophie et Léopoldine, qui co-signent cette tribune, demeurent pourtant fidèles à leurs ancêtres, fervents défenseurs du domaine public. Le propre des grandes œuvres artistiques de l'humanité est qu'elles finissent par appartenir à tout le monde, au sens propre et au sens figuré, écrivent-ils. Les droits de l'auteur finissent par tomber dans le domaine public, et chacun finit par inclure l'œuvre dans sa propre culture et sa propre sensibilité. C'est un processus naturel et sacré. Comment concilier le domaine public et le libre accès sans encourager toutes les dérives des marchands de culture? C'est impossible, et sans doute même dangereux. Aucune loi ne doit empêcher Disney de trafiquer Hugo. La loi ne doit pas se mêler de qualités artistiques. Il existe pourtant un moyen de répondre à l'injustice évidente de cette fortune privée établie par Disney sur le dos d'une histoire qu'elle n'a pas créée et qui appartient, légalement et moralement, au patrimoine culturel général, selon la formule des descendants de Victor Hugo. Et c'est le rayon lui-même qui nous l'a fourni, avec le concept de domaine public payant, qu'il a défendu notamment lors du discours d'ouverture du Congrès international littéraire en 1878. Connaissez-vous rien de plus beau que ceci ? Toutes les œuvres qui n'ont plus d'héritier direct tombent dans le domaine public payant, et le produit sert à encourager, à vivifier, à féconder les jeunes esprits. Y aurait-il rien de plus grand que ce secours admirable que cet auguste héritage légué par les illustres écrivains morts aux jeunes écrivains vivants ? C'est là votre indépendance, votre fortune. Nous sommes tous une famille. Les morts appartiennent aux vivants. Les vivants doivent être protégés par les morts. Quelle plus belle protection pourriez-vous souhaiter ? Le domaine public payant, c'est bien le libre accès, mais associé à une rémunération. Personne ne peut interdire l'exploitation d'une œuvre, mais une somme est prélevée sur les bénéfices éventuels. Ce système a existé à plusieurs reprises dans l'histoire française, mais pour des durées limitées. La loi du 26 février 1956 établissait un domaine public payant de 15 ans à l'expiration du droit d'auteur au profit des jeunes auteurs. Il a été supprimé en 1975. En 1964, un prélèvement sur les exploitations par l'étranger du domaine public national a été mis en place et son produit était touché par la société de gestion collective. Plusieurs pays dans le monde l'ont mis en œuvre, notamment en Afrique et en Asie. Il n'a jamais été aussi urgent qu'aujourd'hui d'appliquer ce principe. Bien entendu, il faut se garder d'installer des péages devant toutes les œuvres du domaine public. Les bibliothèques, les associations, les particuliers doivent pouvoir gratuitement diffuser la littérature ou la musique dont le droit d'auteur a expiré. La richesse des fonds du service Gallica, de la BNF, ou le travail de publication et de mise en forme d'œuvres du domaine public sur le web tel qu'il est pratiqué avec passion par nombre d'internautes, ne doit pas être freiné par l'instauration d'une dîme. Au contraire, il faut vivre le patrimoine immatériel de l'humanité. En revanche, une taxe, même minime, qui frapperait les exploitations commerciales du domaine public, serait susceptible de produire des sommes considérables. Combien de millions d'euros aurait rapporté un prélèvement de 0,1% sur le chiffre d'affaires des œuvres dérivées d'Andersen, d'Hugo et des frères Grimm, grâce auxquels Disney a bâti une grande partie de sa fortune ? Ces sommes ne seraient pas forcément attribuées aux jeunes auteurs, du moins pas l'intégralité. Elle pourrait aussi être utilisée pour la promotion du domaine public et le financement des bibliothèques physiques ou numériques. Le principe du domaine public payant pourrait aussi s'étendre aux inventions couvertes par des brevets. Pourquoi ne pas imaginer une taxe sur certains brevets essentiels tombés dans le domaine public ? Toute entreprise désireuse de les utiliser verserait une fraction de ses bénéfices ou une somme forfaitaire afin d'alimenter un fonds pour l'innovation publique. Ce fonds pourrait financer la recherche et le développement de technologies dans les domaines délaissés par le marché, telle la mise au point de médicaments pour des maladies touchant les pays les plus pauvres. Autre piste suggérée par un rapport du Programme des Nations Unies pour le Développement, prélever une partie de l'argent payé par les entreprises déposant des brevets pour nourrir un tel fonds. Impôts, copies privées, domaines publics payants, tous ces principes sont légitimes économiquement car toutes les productions intellectuelles protégées par les lois sur la propriété intellectuelle utilisent pour une bonne part un fonds commun d'information, de savoir et de connaissances appartenant de manière indivise à l'humanité tout entière. Rappelle Philippe Kehoe, dans « À qui appartiennent les connaissances ?» Le Monde diplomatique, janvier 2000. Il serait logique que la collectivité soit appelée à entretenir ce patrimoine commun par le biais de taxes, redevances et prélèvements divers. Il est donc primordial qu'une coalition politique des biens communs se saisisse d'ores et déjà de ces modes alternatifs de financement de la création.